lu dans Affaires sensibles la dictature des colonels en Grèce sous la parenthèse totalitaire d'une démocratie tourmentée. Dans la nuit du 21 avril 1967, Athènes bascule. Trois officiers de l'armée de terre, accompagnés de quelques centaines de soldats, s'emparent de la ville. Les responsables politiques sont arrêtés et les institutions verrouillées. En quelques heures, un régime autoritaire s'installe. Des milliers de Grecs sont emprisonnés et le pays sombre dans la terreur. Les responsables du coup d'État s'appellent Patakos, Makarezos et Papadopoulos, autrement dit un brigadier et deux colonels. De leur grade, dans l'armée, naîtra le nom du régime, la dictature des colonels. Un règne qui va durer 7 ans. Il faudra attendre 1974 et une crise avec Chypre pour que la démocratie revienne et que cesse ce cauchemar. Comment ces colonels ont-ils réussi à prendre le pouvoir? Comment la Grèce démocratique, au cœur de l'espace démocratique qu'est l'Europe, a-t-elle pu connaître le sort d'un pays sud-américain? Qui a soutenu les putschistes? Et comment la résistance s'est-elle manifestée? Notre invité aujourd'hui, Denis Langlois, avocat, auteur notamment du livre « Panagoulis, le sang de la Grèce ». Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Guillaume Balandras, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Vendredi 21 avril 1967, 2h du matin. Dans la douceur de la nuit athénienne, 150 blindés et plusieurs centaines de soldats convergent vers le centre de la ville. Quelques chars prennent position sur les principaux carrefours de la capitale. Bientôt, les militaires investissent les bâtiments stratégiques. Les centres de télécommunications, les administrations, les gares et le port sont annexés par l'armée. Dans son palais, le jeune roi Constantin II dort encore. Son garde inquiet le réveille. Et pour cause, une dizaine de blindés encerclent le bâtiment et très vite, une poignée de soldats pénètre dans la chambre. On présente au monarque un décret et un stylo. À contre-cœur, il griffonne sa signature sur le document. Fort de ce viatique arraché au monarque, les dirigeants politiques grecs sont arrêtés. Le premier ministre, Canellopoulos, est tiré de son sommeil par des coups secs frappés à la porte de sa chambre. Un capitaine et trois fantassins veulent le voir. Ils sont venus le protéger, disent-ils. Le chef du gouvernement refuse d'ouvrir. Alors, les militaires forcent l'entrée et l'embarquent sans ménagement. Georges Papandréou, chef de parti et ancien premier ministre, lui n'a même pas le temps de se chausser. Il est écroué immédiatement. Dès le milieu de la matinée, les principaux responsables politiques se retrouvent derrière les barreaux. À 11h, la radio publique diffuse le décret royal dans tout le pays. Certaines parties de la Constitution étaient en danger, entend-on dans les haut-parleurs. Le roi Constantin II déclare « L'armée vient de prendre le pouvoir afin de maintenir l'ordre. » Les militaires putschistes seraient donc les sauveurs d'une couronne en danger, une fable, évidemment. Dans les rédactions du monde entier, la nouvelle tombe. Elle fait la une des bulletins d'information comme sur France Inter, ce 21 avril 1967. Tout a commencé ce matin à l'aube. Radio Athènes a annoncé vers 5h que l'armée avait pris le pouvoir, et cela à la suite d'un décret du roi Constantin. Ce décret supprimait la plupart des garanties constitutionnelles. La première décision des militaires a été d'isoler complètement la capitale de la Grèce. L'aéroport a été fermé, les routes coupées, toutes les communications interrompues et Radio Athènes diffusait des marches militaires et les appels à la population. Interdiction de circuler sur les routes, interdiction de sortir dans les rues après 18h, l'armée tirera à vue sur tous ceux qui n'obéiront pas à ses ordres. Deuxième décision de l'armée, l'arrestation de tous les chefs de partis politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche. En premier lieu, bien entendu, M. Papandréou, le vieux leader de l'Union du Sang. Et même, selon des informations qui n'ont pas été contrôlées, le Premier ministre, M. Canellopoulos, aurait été lui aussi arrêté, ainsi que plusieurs membres du gouvernement. Pourtant, M. Canellopoulos, leader de la droite, avait contresigné le décret du roi Constantin. Athènes se réveille, sonnée. Le coup d'État a duré moins de 10 heures. Le sang n'a pas coulé, enfin, pour le moment. Le lendemain, aucune opposition institutionnelle ou diplomatique ne vient contrer l'opération. Dans tout le pays, l'état de siège est promulgué. Mais qui sont les responsables de ce putsch, ces fameux colonels? Tous sont des officiers de l'armée de terre et ils se connaissent depuis près de 20 ans. Patakos, le brigadier rondouillard de 54 ans, Makarezos, colonel discret de 48 ans, et surtout Papadopoulos, 47 ans. C'est lui qui va devenir la figure et l'incarnation du régime. Quelques mois après, le correspondant du Monde à Athènes résumera la situation en écrivant « Personne ne pleurera le régime renversé par les colonels, car ils ne méritaient même pas une larme. » Il est vrai que ce coup d'État arrive dans un pays en pleine crise institutionnelle. Les luttes de pouvoir entre le roi, l'armée et les gouvernements successifs ont conduit le pays au bord de l'implosion. Oui, enfin de là à sombrer dans une dictature militaire, tout de même. Alors, que s'est-il passé? Comment cet événement si décalé dans une Europe occidentale démocratique a-t-il pu survenir? Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Grèce est envahie par les puissances de l'Axe. Dès 1941, le pays subit l'occupation allemande. La résistance intérieure s'organise entre deux forces principales. Un parti communiste puissant et la Ligue républicaine, principal parti non communiste, issu de la résistance contre l'envahisseur nazi. En 1944, le pays est libéré et deux ans plus tard, la monarchie est restaurée. Une lutte de pouvoir assassine commence alors entre les communistes et les partisans du roi. Et en 1946, une guerre civile éclate. Les communistes dirigés par Marcos et l'armée régulière royaliste s'affrontent dans de violents combats. Des villages entiers sont détruits et les infrastructures réduites à néant. La Grèce devient un immense champ de bataille, comme l'expliquent ces actualités pâtées de 1948. La Grèce demeure le théâtre d'une sanglante guérilla. L'armée gouvernementale grecque, dans la région qui avoisine la frontière albanaise, accentue son offensive contre les groupes du général Marcos. Dans la région de Castagnani, récemment libérée, les paysans, hier chassés de leur foyer par la bataille, regagnent leur toit d'où le fer et le feu se sont maintenant écartés. Plus avant, dans la direction de la frontière d'Albanie, les combats continuent. L'armée grecque repousse peu à peu les partisans de Marcos vers leur base frontalière. Terre de lumière, naguère seulement dédiée aux artistes, la Grèce est aujourd'hui un champ de bataille. Un champ de bataille sur lequel le monde a les yeux fixés. Finalement, en octobre 1949, les communistes rendent les armes, faute de combattants. Bilan, en trois ans, 200 000 Grecs sont morts. L'armée royaliste sort grandie du conflit. Elle a gagné une légitimité symbolique auprès du pouvoir et elle se voit comme la sentinelle chargée de veiller sur les valeurs de la Grèce éternelle. Au début des années 50, le pays se reconstruit autour du roi, donc. Et en 1952, une nouvelle constitution est votée. La Grèce devient une monarchie parlementaire où la séparation des pouvoirs est garantie par la loi. Mais le roi n'est pas nu, car c'est lui, notamment, et c'est important, qui désigne le Premier ministre. Dès 1951, le pays est dirigé par une majorité conservatrice de droite, économiquement libérale, mais rigoriste sur le plan des mœurs et des libertés individuelles. À partir de 1955, le Premier ministre Karamanlis s'engage de grandes réformes économiques. La marine marchande et le tourisme se développent. La Grèce entre également dans l'OTAN et le pays prend peu à peu sa place dans le bloc occidental. Le bouillonnement des années 60 fait souffler un vent nouveau sur le pays. L'exode rural transforme Athènes en une véritable métropole et une classe moyenne se forme dans les villes. Et puis il y a tous ces jeunes nés au lendemain de la guerre qui accèdent à l'enseignement supérieur et qui se politisent. Dans les urnes, un nouveau parti remporte les suffrages, la coalition de gauche. C'est sous cette étiquette qu'un médecin de 49 ans se fait élire député en 1961, un certain Grigoris Lambrakis, dont l'histoire marquera durablement le pays. Fin avril 63, il organise une grande marche pour la paix. Craignant des troubles, le premier ministre conservateur Karamanlis interdit l'événement. l'Ambrakis et une poignée de sympathisants bravent la répression. Tout le monde est arrêté, sauf le député qui dispose de l'immunité parlementaire. Une photo fait le tour du monde. Seul avec sa banderole en main, il marche sous l'œil méfiant des gendarmes qui l'entourent. Un mois plus tard, le 22 mai 1963, Lambrakis doit prononcer un discours à Thessalonique. L'ambiance est tendue. De nombreux manifestants d'extrême droite sont venus et les militaires, censés protéger le député, ne bougent pas. Alors qu'il sort du bâtiment après son allocution, Lambrakis est atteint par un violent coup à la tête. Il meurt 4 jours plus tard, à l'âge de 51 ans. Les auteurs sont 2 manifestants d'extrême droite. Grégoire Lambrakis est mort cette nuit à Salonique. Il avait été renversé volontairement par un motocycliste mercredi dernier au cours d'une manifestation pacifiste. Le corps de Lambrakis a quitté Salonique en fin de matinée par train spécial pour Athènes où les funérailles auront lieu demain. D'importantes forces de police patrouillent dans les rues de Salonique et d'Athènes pour prévenir toute manifestation. D'ailleurs, les manifestations sont interdites. Cependant, cette interdiction n'a pas empêché diverses démonstrations d'étudiants, hier en particulier, au cours desquelles il y a eu des blessés, dont 15 policiers, et plusieurs arrestations pour incitation du peuple à la révolte. Comme le rappelle Francis Mercury sur France Inter, la nouvelle de la mort de Lambrakis produit un effet considérable. Des manifestations étudiantes spontanées contre le gouvernement se forment dans tout le pays. Lambrakis y est proclamé immortel. Et des signes Z, la lettre Z, apparaissent sur les murs. La lettre Z comme Zi, qui veut dire « il est vivant » et qui, soit dit au passage, a inspiré Costa Gavras pour son fameux film avec Yves Montand. En tout cas, l'agitation étudiante provoque la démission du gouvernement Karamanlis. En février 64, l'Union du Centre, dirigée par Georges Papandréou, remporte les élections à la majorité absolue et celui-ci devient Premier ministre. Sous son mandat, de nombreuses réformes progressistes sont votées. La liberté de la presse et les libertés politiques sont élargies, ainsi que les droits sociaux et syndicaux. Karamanlis, lui, s'est exilé à Paris. Dès lors, une opposition réactionnaire au gouvernement Papandréou se cristallise autour du roi et de l'armée. Car il se trouve que l'état-major militaire désapprouve la politique sociale de Papandréou. Les officiers multiplient donc les manœuvres de déstabilisation et n'hésitent pas à faire pression sur la couronne. De son côté, le roi Constantin critique ouvertement le gouvernement et ses relations avec Papandréou deviennent exécrables. En juillet 65, ce dernier finit par démissionner. Pendant 2 ans, entre juillet 65 donc et avril 67, 5 premiers ministres de droite se succèdent, nommés au bon vouloir du monarque. Mais ils n'ont pas de majorité au Parlement. Le pays est bloqué en pleine crise institutionnelle. Début avril 67, le roi déclare à la presse vouloir modifier la Constitution pour se donner encore plus de pouvoir. Du côté des officiers, à l'armée, l'amertume grandit, ils se voient comme des chiens de garde d'une monarchie à la dérive qui, de surcroît, cherche à les mettre à l'écart. En avril 67, les tensions redoublent entre les politiques, la couronne et les militaires. Tout doit se jouer le mois suivant. Des élections législatives sont prévues le 28 mai et les sondages prévoient un raz-de-marée pour l'Union du Centre de Papandréou. Mais 5 semaines avant le scrutin, dans le secret d'une petite salle de réunion, la conspiration s'organise autour de Patakos, Makseros et Papadopoulos. Pour eux, le retour de Papandréou est inconcevable et le roi ne tient plus le pays. Les 3 militaires activent donc leur réseau et organisent ce qui va devenir leur coup d'état. Le 21 avril 1967, au petit matin, les chars entrent dans Athènes. La dictature des colonels vient de s'installer. Le magazine 5 colonnes à la une résume la situation quelques jours après. Le vendredi 21 avril, Athènes se réveille paralysée, stupéfaite. Une attaque l'a foudroyée en plein sommeil. Premier symptôme, le téléphone est bloqué. Pas de journaux. L'émetteur des forces armées, le seul qui fonctionne, diffuse inlassablement un communiqué qui dit peu mais qui dit tout. L'armée a pris le pouvoir pour sauver, dit-elle, le pays de la catastrophe. La loi martiale est appliquée. Tout est interdit, sauf de se tenir absolument tranquille. L'interdiction de la peine de mort et de la torture sont illégalement levées. une voix anonyme fait état d'un décret royal signé du président du gouvernement. C'est un faux tactique. Les colonels l'avoueront par la suite. En effet, M. Kanellopoulos, Premier ministre, a été arrêté à l'aube, ainsi que tous les principaux leaders politiques de la droite, du centre et de la gauche. Le Parlement, le Palais Royal, les ministères, les bureaux de poste, l'aéroport, les gares, la radio, tous les centres nerveux sont cernés par l'armée, même les banques sont gardées. Athènes est coupée de la province et toute la Grèce du reste du monde. Au lendemain du putsch, un nouveau gouvernement est annoncé. Les trois officiers s'emparent des postes stratégiques. Patakos devient ministre de l'Intérieur, Makarezos, ministre chargé de la coordination, tandis que Papadopoulos est le nouveau Premier ministre. Ancien chef des services secrets pendant les années 50, il est l'homme fort du pouvoir. Il est celui vers qui les colonels se tournent lorsqu'il faut prendre une décision. Le roi Constantin, lui, est mis à l'écart, confiné à un rôle de représentation. Pour les colonels, l'ordre et la morale chrétienne doivent être rétablis. Leur slogan est simple, la Grèce des Grecs chrétiens, comme ça c'est clair. Les principaux articles de la Constitution sont suspendus et les réformes du gouvernement Papandréou abolies. L'ancien Premier ministre ainsi que tous les représentants politiques sont placés en détention ou en résidence surveillée. Les partis, les syndicats sont interdits. Dans les administrations, la langue moderne est abandonnée au profit du grec ancien. Une censure d'État est mise en place et l'information est muselée. Surtout, dès les premiers jours du régime, des milliers de personnes, étudiants, intellectuels, militants sont arrêtés. Enfin, toute la panoplie d'une dictature. La population, elle, semble passive, presque hébétée. Au micro de ORTF, un opposant politique de gauche, Ioannis Ezygdis, résume la situation. Les Grecs, n'est-ce pas, leur vie aujourd'hui est une vie d'un peuple en servitude. Les Grecs font semblant d'être tranquilles, ne pas être intéressés aux affaires politiques. Ils attendent le moment propice, n'est-ce pas, pour montrer leur mépris et leur dégoût pour les régimes. À l'ombre du palais, le roi Constantin rumine. Le 13 décembre 1967, il engage donc un contre-coup d'État. Il réclame un remaniement du gouvernement et un rétablissement de ses pouvoirs politiques. Sa tentative est un échec. Il doit s'exiler, en l'occurrence, à Rome. Le trône n'est pas pour autant vacant. Dans la forme, un général prend le rôle de régent. Autrement dit, la voie est entièrement libre pour les militaires. Dans le reste de l'Europe, de nombreux pays condamnent le nouveau régime. Le 31 janvier 1968, la Grèce est exclue du Conseil européen, malgré la reconnaissance du gouvernement par les États-Unis. Le pays s'isole peu à peu du reste du monde et la population étouffe. Dans tout le pays, la dictature instaure la répression et peut compter sur un véritable réseau de mouchards. En province, la gendarmerie toute puissante surveille la moralité des familles. Tout contestataire ou considéré comme tel est emprisonné. Ces arrestations sont effectuées dans le secret. Le vernis, la normalité doit tenir coûte que coûte. Pour les opposants politiques, la sanction du régime est encore plus lourde. Sur les petites îles désertes de la mer Égée, les colonels font installer des camps de prisonniers. Yaros, c'en est un, est bientôt surnommé l'île du diable, comme l'île du salut à Cayenne du temps des bagnards en France. Là, les détenus déportés sont enfermés dans des cellules minuscules et torturés quotidiennement. Les gardes utilisent ainsi la phalanga, une longue tige en bois avec laquelle ils frappent sans relâche la plante des pieds et le sexe des victimes. En mai 1999, un ancien prisonnier politique témoigne au micro de France 3 Méditerranée. On m'a isolé dans cette cellule pendant 552 jours. Je me souviens plus très bien. Sans doute les supplices que j'ai moi-même endurés ne me tourmentent-ils plus vraiment. Mais j'entends encore les cris des prisonniers qu'ils torturaient dans les cellules voisines. C'est le souvenir le plus terrible que je garde de cette période. Και εκεί Là-bas, dans cette cellule, ils avaient enfermé d'autres partisans. Dans celle-ci, c'était des femmes. Ils étaient tous martyrisés et moi, j'entendais leurs hurlements. Je ne les connaissais pas tous, mais après la libération, nous nous sommes rencontrés et je les ai reconnus au son de leur voix, à leur cri. Από το ποιόν της κραυγής. Pour de nombreux Grecs, la seule issue est l'exil, violent et douloureux. Parmi ceux qui restent, certains s'organisent pour résister. Dans les villes, des petits groupes se forment et ils comptent de véritables héros, à l'image d'un jeune déserteur de 29 ans, Alekos Panagoulis. Le 13 août 1968, au matin, il tente, en compagnie de ses camarades, de faire exploser la limousine noire du colonel Papadopoulos. L'attentat échoue et le renégat est arrêté. Bientôt, le bruit court partout que quelqu'un a osé s'en prendre au pouvoir. Situation insupportable pour les militaires grecs, alors emprisonné Panagoulis et torturé pendant de longues heures. Il reconnaît les faits, mais ne donne pas les noms de ses complices. Quelques jours plus tard, ceux-ci sont finalement retrouvés et arrêtés. Le 3 novembre 1968, leur procès s'ouvre dans une ambiance tendue, comme le rappelle Jean-Claude Bourret sur France Inter. Ouverture à Athènes du procès de 14 détenus accusés de complot contre la vie du Premier ministre, M. Papadopoulos. Et dès l'ouverture de ce procès, le principal accusé a été condamné à 2 ans de prison pour insulte au tribunal. Il avait dit au procureur « Vous mentez, l'acte d'accusation est plein de mensonges ». Lors de l'audience, Panagoulis assume la responsabilité de son acte et il nargue le régime. Droit comme un i face à ses juges, il lance « Condamnez-moi à mort, ma lutte contre la dictature en sera justifiée ». L'accusé devient alors accusateur et il transforme son procès en tribune. Hasard de l'histoire, ce 3 novembre 1968, les funérailles de Georges Papandréou sont organisées. L'ancien Premier ministre, symbole de l'ouverture du pays, vient de mourir à l'âge de 80 ans, chez lui, sous l'œil de ses gardes. La population afflue dans les rues d'Athènes pour rendre hommage au vieux leader. Et la procession se transforme lentement, mais sûrement, en manifestation contre le régime. En tout, 150 000 personnes défilent. L'armée intervient et des centaines de manifestants sont écroués. En cette fin d'année 1968, la Grèce des colonels vacille. Après 20 mois de dictature, la révolte s'exprime au grand jour. Les autorités commencent à perdre pied. Leur pouvoir va pourtant se maintenir encore 6 ans, une éternité. Time you can free. Quand le soleil fatigué ira s'allonger, les braves sortiront de leur cache. Le front appelle de nouveau les Grecs au combat. La liberté ou la mort, ceci est inscrit sur notre bannière. Comme le dit cette chanson écrite en détention par le compositeur Théodorakis, de nombreux Grecs sont prêts à donner leur vie pour que le pays retrouve la liberté. Le 17 novembre 1968, le principal auteur de l'attentat manqué contre le colonel Papadopoulos, Alekos Panagoulis, est condamné à mort. Sa peine sera commuée quelques mois après en prison à perpétuité. Dans tout le pays, la fin de cette année 68 est marquée par une vague de protestations sans précédent depuis le coup d'État. Mais la résistance peine à se structurer. Les opposants politiques sont enfermés ou alors ils ont fui le pays et le roi est en exil. Bref, tous les gêneurs sont écartés. Les mois passent et le régime s'installe. Car depuis les premiers jours du putsch, la Grèce des colonels dispose d'un allié de poids, les États-Unis. À la fin des années 60, en pleine guerre froide, l'influence militaire et idéologique de l'URSS inquiète les dirigeants de Washington. Or, la Grèce, coincée entre la Méditerranée et les Balkans, occupe une position stratégique cruciale dans le système de défense occidental. Le gouvernement Nixon apporte donc tout son soutien au régime, économique, diplomatique et surtout militaire. Là encore, comme pour les régimes militaires et fascistes de l'Amérique du Sud. Au début des années 70, la diaspora grecque dénonce les exactions du régime et le soutien de Washington à Athènes est de plus en plus critiqué. Au sein de la jeunesse grecque, les réunions clandestines se multiplient et peu à peu, la rébellion s'organise enfin. En avril 73, une étudiante anonyme témoigne au micro de RTF. Nous avons commencé la grève des cours il y a plus de deux mois pour protester contre la mainmise du gouvernement à l'intérieur de l'université. En tant qu'étudiants, nous attendons à ce que d'autres catégories sociales se regroupent et s'organisent et viennent nous secourir dans le but d'obliger ce gouvernement d'abandonner le pouvoir. En 1973, après 6 ans de dictature, le régime est fatigué. Papadopoulos tente alors une inflexion. Le 1er juin de la même année, il fait proclamer la République. Il destitue le roi Constantin, toujours en exil, et se nomme président. Un civil est nommé premier ministre, la loi martiale est abolie, la censure est partiellement levée et de nombreux prisonniers politiques sont libérés. Mais l'ivresse du pouvoir et les répressions ont retiré au dictateur toute crédibilité. L'élite politique refuse de participer à ces réformes. Surtout dans les villes, le mouvement étudiant prend de l'ampleur, l'insurrection se rapproche. Le 14 novembre 1973, une grève démarre au sein de l'école polytechnique d'Athènes. Les manifestants se barricadent dans l'établissement. Là, ils bricolent un petit studio de radio clandestin. Ici, Polytechnique, la seule radio libre, devient le slogan de la résistance. En quelques heures, plusieurs milliers de travailleurs et d'étudiants répondent à l'appel et convergent autour de l'école. Comme par réflexe, et d'ailleurs par réflexe, Papadopoulos réinstaure aussitôt la loi martiale. Le 19 novembre, à 2h30 du matin, un char de l'armée fracasse le portail de l'école. Les militaires s'engouffrent dans le bâtiment et font un massacre. Aujourd'hui encore, le nombre de morts n'est pas établi précisément. On parle d'une 60aine de tués, des jeunes surtout, et des 100aines de blessés. Le 20 novembre 1973, Raymond Girard de l'ORTF décrit l'ambiance à Athènes. Partout dans le cœur de la ville et dans les quartiers névralgiques où se sont déroulés les affrontements, la police disperse les passants. Des patrouilles de soldats armés et des blindés circulent dans les rues. Le soir, à l'heure du couvre-feu, on tire en l'air pour maintenir un climat de psychose générale. Qu'adviendra-t-il de ce mouvement ? C'est ce que nous avons demandé à un jeune élève de Polytechnique que nous avons rencontré, bien sûr, il garde l'anonymat. Nous l'avons interviewé dans une chambre d'hôtel au cœur d'Athènes. Au début, les revendications des étudiants étaient d'un ordre purement corporatif. Elles sont vite devenues des revendications politiques. On demandait la fin du régime des colonels. Mais comment pouvez-vous concevoir dans un régime dictatorial des réformes d'éducation? C'est impossible. Si on demande des réformes d'éducation, le gouvernement ne va sûrement pas accepter et sûrement ça va devenir un mouvement politique. Un exemple, on a un commissaire gouvernemental dans toutes les universités. Comment voulez-vous que le gouvernement accepte à ce qu'on le retire? Dites-moi, est-ce que ce mouvement est terminé selon vous? Non, sûrement ce gouvernement n'est pas terminé, il va continuer jusqu'à la fin. En ce moment, en Grèce, c'est pire d'être étudiant que d'être un criminel. Nous, on peut mourir, mais des idées, non. Un trouble immense agite la population, mais le mécontentement grandit aussi chez de nombreux officiers du régime. Mais oui, selon eux, trop de libertés ont été accordées au peuple et elles ont permis cette contestation. Ainsi, le 25 novembre, un coup d'État, encore un, est organisé contre Papadopoulos. Il est mené de l'intérieur par le général Ioannidis, alors chef de la police militaire. Jusqu'ici, resté dans l'ombre, celui-ci destitue le colonel et le place en résidence surveillée. Les arrestations des opposants reprennent. Le règne de Ioannidis sera heureusement de courte durée. C'est sur une île au large de la Turquie que se joue le dernier acte tragique de la dictature, Chypre. Dans ce petit pays, une communauté grecque majoritaire cohabite, non sans mal, avec une minorité turque. Or, le nouveau leader, Ioannidis, veut renverser le pouvoir chypriote et instaurer sur l'île un régime similaire à celui des colonels. Le 15 juillet 1974, plusieurs milliers de soldats grecs investissent Nicosie avec une partie de la garde chypriote complice. La junte militaire prend le pouvoir et le fragile équilibre entre les communautés est brisé. Partout, on craint une aggravation de la situation. Silence gêné à Washington. Les États-Unis ne condamnent pas l'invasion et personne n'intervient pour éteindre l'incendie diplomatique. La réaction turque, en revanche, ne tarde pas. 5 jours plus tard, le 20 juillet 1974, 60 000 militaires envahissent le nord de l'île. L'offensive est courte, mais sanglante. En 3 jours, elle fait 4 000 morts et des dizaines de milliers de blessés. Chypre est en état de siège et les tensions entre Ankara et Athènes risquent d'embraser toute la région. Le lendemain, 21 juillet 1974, le coup de grâce est donné au régime par Ioannidis. Il perd le soutien de son allié américain et la Grèce doit quitter l'OTAN. Le pouvoir, alors aux abois, décide d'appeler à la rescousse l'ancien premier ministre Karamanlis. Ainsi, le 23 juillet 1974, après 11 ans d'exil à Paris, l'homme d'État rentre à Athènes et forme un gouvernement provisoire. Ses premières mesures sont diplomatiques. Il faut apaiser la situation avec la Turquie. Chypre est donc coupée en 2 États. Selon le soleil d'Athènes, le sombre régime des colonels s'achève après 7 ans de terreur. Les militaires déchus sont placés en résidence surveillée et tous les prisonniers politiques sont libérés. À leur retour de Yaros, l'île du diable, ils sont accueillis par leur famille. Des centaines de parents, de curieux, de sympathisants et de journalistes sont venus dans ce petit port méditerranéen à une 40 kilomètres d'Athènes, à Porto Raftis, pour accueillir le bateau de la liberté. Ce bateau qu'on aperçoit en arrière-plan et qui entre dans le port maintenant doit amener dans quelques instants ici les derniers prisonniers politiques du bagne de Yaros. Il restait une 50 de prisonniers politiques à Yaros. On sait que les conditions de la détention y étaient extrêmement dures. Le premier geste de M. Karamanlis en revenant à Athènes a donc été de promulguer une amnistie générale et dans quelques instants, ces hommes connaîtront à nouveau la liberté. Quelles étaient les conditions de la détention? Évidemment, c'était très mauvais parce que le climat. Dans les semaines qui suivent, le nouveau gouvernement choisit la méthode douce pour faire partir peu à peu les collaborateurs des colonels. En novembre 1974, des élections générales sont organisées. Le parti de Karamanlis obtient une majorité écrasante. Le 9 juin 1975, une nouvelle constitution est votée. L'abolition de la monarchie au profit de la République est confirmée. Le 28 juillet 1975, le procès des anciens dictateurs s'ouvre à Athènes. Devant leurs juges, les colonels n'expriment aucun regret. Ils sont condamnés à mort pour haute trahison et mutinerie, peine commuée en emprisonnement à perpétuité. À la fin des années 70, les institutions se stabilisent et la démocratie parlementaire s'enracine. Depuis leurs cellules, les colonels voient la Grèce retrouver sa place en Occident. Le 8 octobre 2016, une page se tourne définitivement. Le dernier des responsables encore en vie, le brigadier Patakos, meurt à l'âge de 103 ans. À sa mort, le parti d'extrême droite, Aube Dorée, compte 18 députés et constitue la troisième force politique en Grèce. Dans ce pays à la civilisation millénaire qui a vu naître la démocratie et qui en a inventé le mot, le pouvoir du peuple, le souvenir des colonels continue d'agiter la société. D'ailleurs, un sondage effectué en 2013 indiquait que près d'un tiers des citoyens jugeaient que la situation était meilleure sous le règne des militaires. Les autres, eux, n'ont pas oublié que la démocratie est peut-être le plus mauvais des systèmes, mais qu'on n'en a pas trouvé de meilleur. Sensible sur France Inter. Aujourd'hui, le régime des colonels en Grèce. Et notre invité, Denis Langlois, bonjour. Bonjour. Vous avez été avocat, vous êtes également l'auteur de nombreux romans et récits historiques, et vous étiez présent au procès d'Alekos Panagoulis et de ses camarades, les auteurs de l'attentat manqué, hein, d'août 68 contre Papadopoulos. Votre livre sur l'affaire, intitulé Panagoulis, le sang de la Grèce, va d'ailleurs ressortir, hein, c'est bien tout ça? Tout à fait, oui. Bon, alors, d'abord, pour commencer, votre souvenir le plus marquant de ce procès auquel vous avez assisté, être un historique. Ah, c'est le courage exceptionnel d'Alekos Panagoulis. Je crois que ça a impressionné absolument tout le monde. Vous avez rappelé qu'il avait une attitude extrêmement courageuse. Il avait revendiqué l'attentat. Mmh. Il avait dit qu'il avait vraiment voulu tuer Papadopoulos pour atteindre la dictature à la tête. Il a cherché à innocenter ses camarades. Il a dénoncé les tortures dont il avait été l'objet. Pendant 82 jours de son arrestation jusqu'au procès, on lui avait laissé les menottes au poignet. On ne lui avait pas permis d'avoir seulement un crayon pour préparer sa défense. Et il a eu les mots que vous avez rappelés. Il a crié à ses juges « Condamnez-moi ». Vous justifierez ainsi mon action contre la dictature. Bien sûr. Et c'était, si vous voulez, quelque chose d'assez impressionnant, parce que la salle du tribunal était remplie surtout de militaires, de policiers en uniforme ou en civil. Beaucoup plus, d'ailleurs, il y avait plus de militaires et de policiers que d'avocats ou de journalistes ou d'observateurs judiciaires comme moi. Ouais. Tout était surveillé, c'était quelque chose, c'était un poids énorme. Et Panagoulis s'est levé, il a parlé pendant une heure et demie, et là, tout a changé. Il y a eu un silence énorme. Même les policiers, même les militaires se taisaient. Ils reconnaissaient le courage de Panagoulis. Et je crois que ça a été justement un tournant, vous l'avez dit. Panagoulis avait raté l'attentat. Mais il a réussi son procès parce qu'on en a parlé dans le monde entier. C'était la première brèche importante dans tout la dictature. Tout à fait, oui. Ouais. Tout à fait. Il y avait eu d'autres actions, oui, celle-là, précédemment. Elle était, voilà, il y avait elle eu aussi un retentissement énorme, c'est ça. Tout à fait. Il y avait eu, vous en avez parlé, les manifestations, oui, au moment des obsèques de Georges Papandréou. Mm-hmm. C'était d'ailleurs la veille du commencement du procès de Panagoulis. Ouais. Donc, oui, moi personnellement, j'ai ressenti cela comme à la fois quelque chose de terrible, mais aussi un espoir énorme. Je suis reparti à Paris en me disant, il faut absolument que je fasse tout pour sauver cet homme, et c'est ce que j'ai essayé de faire, et ça a eu une influence sur toute ma vie, parce que j'ai essayé d'être fidèle justement à cette action, à ce courage que j'avais constaté à Athènes, au plein milieu de la dictature. Qu'est-ce que c'est que cette cellule tombeau qui avait été construite pour l'enfermer ? Alors, les colonels n'ont pas pu exécuter Panagoulis parce qu'il y a eu des interventions internationales considérables. Le pape, Utente, le secrétaire général des Nations Unies, beaucoup de chefs de gouvernement. De Gaulle, paraît-il, est intervenu, André Malraux. Finalement, les colonels, dont certains souhaitaient l'exécution de Panagoulis, n'ont pas pu le fusiller. Et donc, ils se sont vengés sur Panagoulis, ils ont continué à le torturer pratiquement journellement et ils ont construit spécialement une sorte de tombe enfoncée dans la terre dans une caserne militaire à Boyati. Les dimensions étaient extrêmement faibles, 2 mètres sur 1 mètre 50, il n'y avait pas de lit, il n'y avait pas de possibilité pour Panagoulis de voir le ciel à l'extérieur. C'était vraiment une horreur, quoi. Oui, et il était surveillé constamment parce que de l'autre côté, il y avait une grille où il y avait les gardiens. Donc, pour lui, à un moment donné, il a réussi à s'évader grâce à la complicité d'un gardien. Il a été repris. Cela a donné lieu à de nouvelles tortures. Enfin, c'est quelque chose d'atroce, mais Panagoulis a toujours gardé l'espoir. Il sentait que son combat était important, qu'il était devenu un symbole. un symbole, qu'on parlait de lui à l'extérieur, on parlait de lui à Athènes, dans toute la Grèce, et que ça aidait la résistance à se construire. Alors, pour les plus jeunes de nos auditeurs, il faut quand même rappeler que nous sommes là au cœur des années 60 et 70, dans un espace démocratique qui s'appelle l'Europe de l'Ouest. Alors c'est vrai qu'il y a l'Espagne de Franco, le Portugal aussi, mais oui. Tout le reste, ce sont des démocraties, hein, la France, l'Angleterre, voilà. Et il arrive cet événement décalé, choquant, qui nous rappelle, je le disais pendant le récit, je ne sais pas si le parallèle est juste, mais les dictatures d'Amérique du Sud. Hein, et on voit bien que les États-Unis vont soutenir les colonels grecs comme les dictatures d'Amérique du Sud. Qu'est-ce qui a pu se passer? Qu'est-ce qui a rendu cet événement décalé possible, à votre avis? Bon, vous l'avez dit, la situation troublée en Grèce, les gouvernements qui succèdent, mais aussi la crainte des États-Unis de voir s'installer en Grèce un régime de gauche. Bon, c'était plutôt le centre qui allait gagner les élections, mais il y avait la crainte de voir Andreas Papandreou, le fils de Georges Papandreou, qui était considéré comme socialiste. D'ailleurs, il a créé par la suite le Parti Socialiste Hellénique. Le PASOK. Le PASOK, exactement. Donc, il y avait cette crainte de la part des États-Unis, mais aussi de la part de l'armée grecque. Donc, ce coup d'État a été fait pour empêcher justement la démocratie de progresser. Bon, quand vous dites que en Europe il y avait des pays démocratiques un peu partout, c'était pas tout à fait exact, mais il faudrait définir peut-être la démocratie. Disons que c'était L'Italie, la France, la Belgique, l'Angleterre n'étaient pas des dictatures. Non, ce n'était pas des dictatures. Est-ce que c'était véritablement des démocraties? On pourrait en parler très longtemps. Bien sûr, mais en tout cas, ça n'était pas des dictatures. Voilà. Mais vous avez rappelé que au Portugal et en Espagne, il y avait des dictatures qui duraient depuis 30 ans. Donc ça a pu donner des idées aux colonels qui se sont dit on va s'installer et puis on va être au pouvoir pendant plusieurs décennies. Ouais. Alors, quelle est l'image du régime à l'étranger? Est-ce qu'on regarde les Grecs en chien de faïence? Comment ça se passe? Les États-Unis reconnaissent le régime. À part les États-Unis, oui, ça les arrange, évidemment. Les pays scandinaves condamnent absolument le coup d'État. Les autres démocratie entre guillemets occidentale sont très modérées. Bon, on ne condamne pas forcément le coup d'État, on ne reconnaît pas bien sûr le nouveau régime, mais on continue à commercer avec lui. La France vend des armes au colonel grec, reçoit le colonel Makarezos à Paris. Donc c'est pas une attitude très démocratique, en tout cas vis-à-vis des Grecs qui souffrent de cette dictature. Bien sûr. La religion orthodoxe, chrétienne orthodoxe, est très implantée en Grèce. Son clergé est puissant. Il a eu un rôle dans l'établissement d'un régime autoritaire, car on sait à travers l'histoire que l'Église chrétienne c'est toujours très souvent mise du côté des dictatures. Hein ? Oui, bah c'est le cas. La force la plus importante en Grèce à ce moment-là, c'est l'armée. L'Église orthodoxe se range aux côtés de l'armée, d'autant plus que Papadopoulos, dans les premiers jours de la dictature, nomme un nouveau chef de l'Église, Monseigneur Hieronymos. Donc, à la limite, l'Église est au service de la dictature. Et notamment, quand il y a l'attentat contre le colonel Papadopoulos, il y a un Te Deum qui est prononcé dans la cathédrale d'Athènes par Monseigneur Hieronymos. Donc, oui, l'Église est au service de la dictature, au service de l'armée. Dès lors également que cette même Église considère que ce régime est un rempart au communisme. Là, forcément, l'Église est de la partie, contre le communisme. Bien sûr, oui. Le grand mot, c'est effectivement la lutte contre le communisme. D'ailleurs, au cours du procès de Panagoulis, le mot de communisme est lancé des dizaines de fois, alors que la plupart des accusés, et notamment Panagoulis, est loin d'être un communiste. Alors, la CIA, les États-Unis, donc les États-Unis soutiennent le régime pour les raisons qu'on a expliquées à la fois dans le récit et avec vos éclairages, mais comment ça se passe? Est-ce qu'on sait? Quel est ce soutien? Il est discret? Il est organisé par la CIA? Comment ça fonctionne, ce soutien-là? Est-ce qu'on le sait? Parce que c'est, par définition, oui, c'est difficile à savoir. On commence à le savoir. Bon, il y a des archives qui restent cachées. Mais, Georges Papadopoulos, le colonel, était un ancien membre de la CIA. Il a été formé par la CIA. D'accord. Il dirigeait ensuite les services secrets grecs. Donc, il y avait une collaboration entre les services secrets grecs et la CIA. Donc, on peut considérer que, la main dans la main, ces services ont fomenté le fameux coup d'État d'avril 1967. Voilà. Et les Chiliens connaîtront le même sort en 73, hein, d'ailleurs, avec l'appui de la CIA. On a vu dans le récit, il y a eu des tentatives d'assouplir le régime de la part de Papadopoulos lui-même, notamment en 73. C'est pas forcément très clair, ça. Pourquoi il fait ça? Il y a chez lui un souci, une recherche d'honorabilité, de respectabilité. Oui. Bon, il se flatte... Vis-à-vis de l'étranger et vis-à-vis des Grecs, les deux. Les deux, d'accord. Oui. Bon, il se flatte de ne pas avoir fait couler le sang lors du coup d'État, ce qui est faux. Mais, effectivement, il souhaiterait diriger une sorte de régime parlementaire. Il y aurait des élections, mais ce serait quand même lui qui dirigerait, qui aurait l'essentiel des pouvoirs. Ce serait ce qu'on appelle une démocrature, aujourd'hui. Si vous un mélange des deux. Si vous voulez. Voilà. Bon. J'aime bien ce mot, parce que je trouve que c'est un néologisme qui est assez parlant. Enfin bon. Oui, et donc, Papadopoulos va essayer d'orienter légèrement le régime dans ce sens-là. Bon, il ne va pas réussir tout simplement parce que lui, il fait partie des durs et il y a des très durs parmi les militaires qui ont pris le pouvoir. Et notamment le général Ioannidis, voilà, qui va trouver, vous l'avez rappelé, que dans la répression de l'occupation de l'école polytechnique, Papadopoulos, avec sa police, n'a pas été assez ferme. Et a été obligé même de faire à un moment donné appel à l'armée. Donc Papadopoulos va être écarté, Ioannidis va avoir tous les pouvoirs et la répression va être encore plus forte. Ouais. Et l'erreur fatale, c'est Chypre. Hein, qu'est-ce qui lui passe par la tête en 74 d'envahir Chypre? C'était quand même, le verre était dans le fruit là. Ça allait forcément capoter cette affaire-là. C'était une vieille revendication grecque de rattacher Chypre à la Grèce. Donc Ioannidis a essayé de le faire et évidemment les États-Unis n'ont pas accepté pour une raison très simple, c'est que la Turquie et la Grèce étaient deux alliés essentiels des États-Unis. Oui. Mais j'aimerais bien revenir sur un point que vous avez abordé. Ah bon, allez-y. La résistance intérieure. Oui. Parce que on a l'air de dire que les Grecs ont accepté assez passivement la dictature. Ça a été vrai pendant un certain temps, au parce début, qu'ils étaient tout à fait hébétés. C'est au début, mais quand on est lissé dans le récit, c'était pour le début, c'était en début de récit, mais, et donc hébété parce que état de sidération. Mais après, assez rapidement, des groupes de résistance se sont créés. Alors c'était difficile, c'était dans la clandestinité, mais j'ai suivi des procès de groupes trotskistes, anarchistes, communistes, socialistes, de centre, de droite, des royalistes même. Des petits groupes, bien sûr, mais pas si petits que ça, quand même, 15-20 personnes qui arrivaient à distribuer des tracts, à imprimer des journaux clandestins. Donc il y avait une résistance. Il y avait une résistance. Intérieure de la population. Merci en tout cas, Denis Langlois, d'être venu nous voir dans l'émission Affaires Sensibles, de nous avoir apporté à la fois votre connaissance de ce pays, la Grèce, et puis votre témoignage. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la dictature des colonels grecs, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Merci à Loïc Frapsos qui était à la technique aujourd'hui. Retrouvez Affaires Sensibles, la pièce de théâtre adaptée de l'émission au Tristan Bernard à Paris à partir du 26 août.